Rabbi, Aulama. Le commandant du DJ, Boubou Yomela, Joste Mondel et le vieux Gaulois. Avantage

nakupenda sana Natasha Mubi soto la bitelelo Natalia Wapingo Vatican, ya wele kupari, we sapimbo, Fesaki Manu. Eh, maginu, maginu, maginu, maginu mbote. Fesaki Manu. Sina ngayi susina binote. Fesaki Manu. Mawana ngayi bisekonde ya banguna. Fesaki Manu. Oya patu senze langa na mboya esa. Mama Simba Lubonge. Maria Italien ya zo na le château bana mundele ngulu bana ya Kapa Costa Big Sass. Chalet Mamá, son mantilendo. sika mosi bosi kaka kaya tu ya ya ya talamu tiki talamu tiki talamu mbo mbo mbo alamu tiki tiki mbo ajevi montana il a fi con cliché il est passé par ici. Oh, bien foncé. Alléla. Omo Gabi na Londonais. Alléla. Jean-Marie Lukula Tinakati à Paris. Thierry Bumba Léon Prophète à Papa Mosano. Allez Maloma, allez.